L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. La détection de quasars très lumineux ayant un décalage spectral Z supérieur à 6 suggère que des trous noirs supermassifs de plus de 10 milliards de masses solaires étaient déjà présents à une époque reculée il y a 13 milliards d'années. Deux possibles descendants, désormais inactifs, de ces trous noirs supermassifs sont observés aujourd'hui dans les galaxies NGC 3842 et NGC 4889, des galaxies situées au centre des amas de galaxies du Lion et de Coma respectivement. Ces deux amas de galaxies forment en outre la région centrale du « grand mur », entre guillemets, la plus grande structure galactique dans notre univers proche. De tels trous noirs supermassifs ne sont pas trouvés à l'extérieur de tels amas très riches en galaxies. Mais un intrus de 17 milliards de masses solaires vient d'être mis en évidence, contre toute attente, au sein d'une galaxie très isolée. La galaxie en question est une grosse galaxie elliptique nommée NGC 1600, qui se trouve non loin du centre d'un petit groupe de galaxies situé à 64 mégaparsecs de la Terre, soit 209 millions d'années-lumière. L'équipe d'astronomes menée par Jens Thomas du Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics à Garching publie sa découverte dans Nature cette semaine. Ils ont établi la masse du trou noir central de NGC 1600, non pas en l'observant directement, mais en observant les vitesses des étoiles à proximité du centre de cette galaxie. Ils en déduisent une masse de 17 milliards de masses solaires, ce qui en fait le deuxième trou noir le plus massif connu à ce jour, le premier ayant une masse de 21 milliards de masses solaires. Ils ont utilisé pour cela à la fois le télescope spatial Hubble et le télescope hawaïen Gemini North de 8 mètres et son spectrographe GMOS, Multi-Object Spectrograph. L'étude de Thomas et ses collaborateurs internationaux est issue du programme de relevé MASSIVE qui vise à étudier les galaxies les plus massives et les trous noirs supermassifs dans l'univers proche. La surprise vient de l'endroit où est trouvé ce monstre noir. La galaxie NGC 1600 se trouve assez esselée, pas du tout au centre d'un vaste superamas de galaxies où l'on s'attendrait à trouver ce genre de trou noir supermassif. Le recordman de 21 milliards de masses solaires se trouve par exemple au centre d'une grosse galaxie au cœur de l'amas de Coma qui contient plus de 1000 galaxies. A contrario, NGC 1600 se trouve dans un petit groupe d'une vingtaine de galaxies. Or, il se trouve que les petits groupes de galaxies comme celui de NGC 1600 sont au moins 50 fois plus abondants que les très vastes amas comme l'amas de Coma. La question que se posent donc les chercheurs est-ce que l'on vient de trouver le sommet d'un iceberg ? Les trous noirs supermassifs extrêmes sont-ils beaucoup plus communs que ce que l'on pense ? Une autre étrangeté avec ce trou noir de NGC 1600, c'est que sa masse ne correspond pas avec la masse de la galaxie hôte. Les modèles indiquent qu'il existe une corrélation entre la masse du bulbe de la galaxie et la masse de son trou noir. Plus la masse du bulbe galactique, la partie centrale de la galaxie riche en étoiles, est grande, et plus celle du trou noir est importante. Ici, la masse estimée de NGC 1600, 830 milliards de masses solaires en étoiles et 150 000 milliards de masses solaires pour le halo, dit que le trou noir devrait être 10 fois moins massif que la valeur trouvée. La relation établie ne semble plus fonctionner pour les trous noirs supermassifs les plus imposants. Une hypothèse évoquée pour expliquer ce trou noir monstrueux et qu'il aurait pu être la conséquence de la fusion de deux trous noirs plus petits dans un lointain passé quand les interactions de galaxies étaient plus nombreuses qu'aujourd'hui. Le trou noir résultant aurait par la suite absorbé de grandes quantités de gaz de la galaxie nouvellement formée. Ce phénomène pourrait également expliquer pourquoi NGC 1600 se trouve dans un si petit groupe de galaxies en étant de loin la plus lumineuse de toutes ses voisines, d'après les chercheurs. NGC 1600 devait à cette époque, suivant tout juste la fusion, être un quasar brillant, son trou noir accrétant d'énormes quantités de gaz en le faisant rayonner par échauffement. Mais aujourd'hui, il ne se passe plus rien autour de ce géant. Il a fait le vide autour de lui, au centre de la galaxie, et on ne peut le mettre en évidence qu'à partir des effets gravitationnels qu'il produit sur les étoiles les plus proches de son horizon, jusqu'à 3000 années-lumière de distance. Ce qu'observent en outre les astrophysiciens, c'est une zone dépeuplée d'étoiles autour du trou noir, comme si ce dernier, ou l'interaction passée de deux trous noirs, en avait éjecté un nombre important par effet gravitationnel. Thomas et ses collaborateurs estiment la masse d'étoiles ainsi éjectées du centre de la galaxie elliptique à près de 40 milliards de masses solaires, soit l'équivalent de toutes les étoiles formant le disque de notre Voie lactée. Les prochains résultats du programme Massive révéleront peut-être si NGC 1600 est le sommet d'un vaste iceberg ou juste un cas très particulier. L'article de Jens Thomas et al. Est paru dans Nature en ligne le 6 avril 2016. Il s'intitule « A 17 billion solar mass black hole in a group galaxy with a diffuse core ». Un trou noir supermassif de 17 milliards de masses solaires dans un groupe de galaxies avec un cœur diffus. Restez bien à l'écoute sur le www.saspasselao.fr, le blog où l'univers se contemple indéfiniment. Vous retrouvez ce podcast sur podcloud.fr, sur iTunes ainsi que sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à toutes ces plateformes pour rester informé en temps réel, bien évidemment, des nouveautés du blog et du podcast et de la chaîne vidéo. D'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre. Allez, salut !